Salut à tous, bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 244 qui démarre à l'instant avec un album de la semaine. L'album c'est Ringo Rama, sorti en 2003. On écoutera Eye to Eye, excellent, vous allez entendre. Il y aura également Instant Amnesia, Never Without You, la chanson de Ringo Starr en hommage à George Harrison. Il y aura What's Love Wants to Be, Elizabeth Reigns et English Garden pour terminer cet album de la semaine. Il y aura également du John Lennon avec Peggy Sue sur l'album Rock and Roll en 1975. Nous aurons My Sweet Lord de George Harrison tiré du fantastique triple album à l'époque du vinyle, double album maintenant à l'époque du CD, et puis un seul album peut-être sur en MP3, je sais pas. L'album All Things Must Pass, donc en 1970. McCartney, Paul nous chantera Too Much Rain sur Chaos and Creation in the Backyard de 2005. Et pour les Beatles, on démarrera avec One After 909. J'espère qu'il y aura peut-être aussi des surprises. Et en tout cas, la surprise qu'il y a eu en 2003 lorsque Ringo Starr sort Ringo Rama, c'est ça. L'album, la première chanson de l'album, écoutez. Here we go. Montez le son, Ringo Rocks sur RG. Remember when I said it don't come easy? That seems so long ago. Well, nothing changed, and if you don't believe me, look out your window. Our lives go fast. Très souvent, les artistes savent qu'ils doivent accrocher leurs fans dès le début, avec la première chanson. Ça, c'est la première chanson de l'album Ringo Rama. Je vous assure que lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit « Yeah, Ringo rocks !» Et j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé cet album-là. Et Ringo nous prépare un nouvel album. L'album s'appelle Postcards from Paradise, qui va sortir le 31 mars. Et bien évidemment, on aura cet album. Et il passera en extrait dans la saga des Fab Four le plus vite possible. Dès qu'on l'aura à disposition, c'est promis. Mais j'ai parlé de Ringo rocker. Il y en a d'autres des rockers. Comme par exemple, Monsieur John Lennon en 1975 avec Peggy Sue sur RIG. Retournons de 1975 à 1970, une chanson qui va plaire à Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe, bienvenue à vous sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, et également sur macaclub.com pour le groupe La Saga des Fab Four aussi. On parle dessus de tout ce qu'on veut, surtout des Fab Four. George Harrison sur RIG. I really wanna see you, really wanna Paul McCartney dans la saga des Fab Four. Cet album a déjà 10 ans, 2005, Chaos and Creation in a Backyard, Paul McCartney sur RIG. Et comme le dit Lovely Rita, dont je vais parler dans quelques instants, c'est le côté George de Paul, parce que lorsqu'il a composé cette chanson-là, il a dit qu'il avait pensé à George, que George aurait pu chanter cette chanson. Il a, dans le dernier album, l'album New, il en a fait une autre qui ressemblait encore plus à ce que, à mon avis, à ce que George aurait pu créer et chanter. Et puisqu'on parle de Lovely Rita, Lovely Rita, c'est celle qui a créé le Beatles Magazine que vous retrouvez sur Facebook, bien entendu, sur Google+, sur Twitter et sur bien d'autres encore réseaux sociaux. Et je vous invite à aller la voir parce qu'elle, c'est 7 jours sur 7, 24-24. Elle vous dit tout sur McCartney, Harrison, Starr, Lennon, sur les amis de ces gens-là, sur les animateurs qui font les émissions sur les Beatles, comme par exemple votre serviteur. Et également Michael Honorato, mon ami du New Jersey pour Beatles Tonight. Je lui envoie un grand coucou. Il comprend très peu le français, mais si je dis « Hi Michael », là c'est déjà mieux. Je pense qu'il arrive à comprendre. Voici une chanson des Beatles, « One After 99 », comme promis, et après, une petite surprise. I'm begging on my

YJ, In France We Know Everything. This is a request from lovely Rita for Jose Antonio Soto from El Salvador. That's his birthday today, and he's a member from the Beatles fan club from El Salvador. Happy birthday to you, Jose Antonio Soto, from Thierry, France. Et je traduis pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est l'anniversaire de Jose Antonio qui est au Salvador. Et lovely Rita m'a demandé de lui souhaiter un bon anniversaire. C'est fait ici à Bordeaux sur RIG sur 90.7. On sait tout et on n'a pas d'amnésie. Oh, ça tombe bien, c'est le sujet du prochain titre, l'album de la semaine, l'album Ringorama. Oh, quand même, comment je retombe sur mes pattes, qu'est-ce que je suis fort. Voici Instant Amnesia, Ringo Starr sur RIG. Your troubles forgives you your debt. Instant amnesia, it's already gone. You can think you remember, tomorrow you're wrong. It's just like a kiss. You can't close your eyes, it's too easy to miss. Instant amnesia, you can't take no pill. There's no medicine, so it must be God's will. Et après ça, certains diront, mais Ringo, il a rien fait après les Beatles. Et si, il a fait des chansons, et il a fait de bonnes chansons également, comme Instant Amnesia en 2003 sur l'album Ringo-Rama, un album que je vous conseille d'avoir parce que c'est un bon album de Ringo. Et Nathalie sur Facebook marque sympathique ce morceau de Richie. Ah oui, oui, tout à fait, ça je confirme. Et maintenant, je vous propose, comme disaient les Monty Python, de faire quelque chose de complètement différent, mais de beaucoup plus cool. Nous passons de 2003 à 1973, et c'est pour ça que j'ai ralenti un petit peu le rythme de façon à ce qu'on puisse être ici, maintenant. Be Here Now. C'était George Harrison sur l'album Living in a Material World. Et c'est sur RIG dans la saga des Fab Four. Thank you. island, glad you came to call. Now you've made yourself at home, you're welcome to us all. We are simple people, why are we this way? This is what we always say. It's the way that we bang on the bongo. It's the way that we bang on the big bass drum. The way that we sing in a song, oh, it's a tropic island hum. Hum, hum, hum. Playing in the sunshine, lots of sea and sand. It's jolly nice in paradise. Lordy, ain't life grand? Everyone is happy, joining in the fun. Do it like we've always done. It's the way that we shake and shake. It's the way that we bang the big bass drum. The way that we bake the cake up makes the tropic island hum. It's the way that we bongo the bongo. It's the way that we bang the big bass drum. The way that we sing a song makes the tropic island hum. Good, good, good. Feeling good. Tonight's a special night. Feeling good. All right, all right, all right. Anything can happen. In the meantime, won't you come help us celebrate our tropic island hum? Ce mec est capable de tout faire, c'est un vrai caméléon. J'adore Paul McCartney. C'est la musique du film Tropic Island Hum. C'est le thème musical chanté pour le nouveau court-métrage d'animation produit par McCartney dans un pur style classicisme façon Disney. Comme pour Rapper and the Frog Song, qui figure ici en bonus, Paul a composé une musique enjouée et festive, épousant à la perfection chaque séquence de son petit film à la morale très écolo. Il a de nouveau requis les compétences de George Martin pour une production riche et sophistiquée, sortie en 45 tours et en CD single. Cette chanson pour les tout petits et ma fille qui à l'époque avait 3 ans quand je lui ai fait entendre, elle est née en 2003, pourrait vous dire si elle était là qu'elle adorait ça. Je lui ai passé à l'école maternelle et avec le petit court-métrage d'animation, c'était superbe. Donc ce 45 tours entra discrètement dans le top 20 et pourtant, ben voilà, moi j'ai quelquefois envie de changer la saga des Fab Four en l'appelant par exemple Paul McCartney de A à Z. Mais c'est déjà pris par le gars d'après là avec Johnny de A à Z. Donc je le fais pas. Voici la suite de la saga des Fab Four avec les Beatles sur l'album qui aurait dû être en principe je prends une chanson de chaque album, mais là à Birthday c'était spécial, c'était pour José Antonio Salvador, je sais plus, mais c'était pour son anniversaire. Voici Savoy Truffle sur RG, c'est sur l'album blanc. Yeah.

Rejoindre le groupe Facebook, le groupe qui s'appelle La Saga des Fab Four. Vous demandez l'adhésion et puis dans la minute vous l'aurez l'adhésion, il n'y a pas de problème si je vous vois ou si quelqu'un d'autre membre vous voit aussi. Et vous allez voir que par exemple Jean-Philippe a mis une pochette de Never Without You. Moi je trouve que cette pochette fait très U2 d'abord parce que Ringo Starr a un bonnet et on dirait Bono de U2 avec les couleurs et tout ça, ça fait très U2. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup cette pochette de cet excellent album sorti en 2003 qui s'appelle Ringo Rama sur RIG. Oh, mais on dirait Sergent Pepper. Sergent Pepper, Lonely Hearts Club Band, suivi de With a Little Help from My Friend sur RIG dans la saga des Fab Four. Somebody to love. Could it be? certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. From my friends, with a little help from my friends. Il a eu peur de la pousser, cette dernière note, Ringo Starr, mais avec un peu d'aide de ses amis, eh bien, il y est parvenu. Et est-ce que vous saviez que cette chanson, With a Little Help from My Friends, a été interdite sur la BBC? Tout simplement parce que les programmateurs de l'époque pensaient que lorsque Ringo disait I get high with a little help from my friends, donc je vais très haut avec l'aide de mes amis, ils pensaient qu'il parlait de, vous savez, des trucs qu'on fume et qui font planer très très haut. Or, c'était pas du tout ça. C'était une chanson enfantine, écrite principalement par Paul McCartney, et qui voulait tout simplement dire au premier degré, grâce à mes amis, j'y arrive, et la preuve. Voilà, c'est tout. C'est pas mal déjà. C'est la saga. Mais oui, c'est la saga. La saga. C'est la saga. Mais pas fort. John Harrison. John Harrison. sur RIG. Et oulala, j'ai raté. Sur RIG, quand c'est bon, on n'hésite pas à doubler. Voici George Harrison à nouveau. Et après Dark Horse de 74, voici This Guitar Can Keep From Crying en 75. Mais une nouvelle version, faite plus tard, avec Ringo Starr à la batterie. Ça fait partie des surprises des remasterisations d'albums. Lorsque est sorti récemment le coffret George Harrison, sur l'album Dark Horse, il y avait Dark Horse Early Take, que vous avez entendu juste avant, et il y avait aussi cette version reprise plus tard, pas en 75, par George Harrison et complétée par Ringo Starr. Je crois que Danny Harrison est dessus aussi. Il faudrait que je regarde la pochette, mais je l'ai pas sous les yeux. Et ça donne vraiment une très très bonne version renouvelée de This Guitar Can Keep From Crying, qui est un peu la petite sœur de While My Guitar Gently Weeps. Elle a commencé à pleurer doucement, à sangloter si on veut, et puis à la fin, cette guitare ne peut pas s'empêcher de pleurer. Décidément, il aimait faire pleurer sa guitare, et nous on le pleure, George Harrison, on aimait bien. Voici le moment de la cover. La cover, c'est une chanson reprise par quelqu'un, peut-être vous, si jamais vous faites des reprises, pourquoi pas. Si c'est une reprise d'une chanson qu'a chanté John, Paul, Ringo ou George, ou les Beatles, même si eux-mêmes ont fait une reprise, par exemple, de Little Richard, du moment que l'un de ces quatre l'a chanté, c'est la reprise. Alors là, nous entrons dans un album de Stevie Wonder qui date de 1971. Signed, sealed and delivered. Stevie Wonder chantait We Can Work It Out. Voici la version de Stevie. Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Why you see it your way? On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Ce soir, j'ai envie de vous faire des petites surprises parce que, après, ceux qui sont au courant de la playlist savaient que c'est We Can Work It Out des Beatles. Mais est-ce qu'ils savaient que j'allais ajouter ceci ? Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out. This week's Willy Couple number. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman.

is over. There you were, waiting to bring me round. After the ball, after the ball, you were the one out in the hall. You were the one, the one who loved me after the ball. get it every now and then. But if you don't feel it, later on you'll regret it. And if we let it, we could set it free, you and me. Love away. Quand j'écoute cet album Back to the Egg, le plus dur pour moi c'est de dire allez, on coupe, on arrête et on passe à une autre chanson. J'ai envie d'écouter l'album en entier. J'adore cet album. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine c'est Ringo-Rama, sorti en 2003. Et voici une belle chanson pour vous prouver, si vous n'arriviez pas à le croire, que Ringo Starr peut faire de belles chansons. Voici Elizabeth Rains, une chanson qui sort tout droit du giron des Beatles. On aurait pu l'écrire à ce moment-là. Help me, Captain, help me. Younger, she's head of the family. There goes me knighthood. Par John Lennon en 1971 sur l'album Imagine, la même année en 1971, mais un petit peu avant. Voici Paul McCartney dans l'une des chansons à voix qu'il ne pourra plus faire maintenant probablement, mais qui montre que lui aussi c'est un bon rocker. Voici Monkberry Moon Delight sur RIG. Je vous mets au défi de monter aussi haut que McCartney comme il chante. Mais j'y arrive pas. Yeah.

quand on connaît la version finale en 1966 sur l'album Revolver, on se dit là c'est une version de travail, une version à l'essai pour voir ce que ça donne. Ben dites donc, ils sont vraiment allés dans tous les genres, dans vraiment de tous les côtés pour essayer de voir ce que ça donne. D'ailleurs, quand on a des paroles comme But listen to the color of your dream, écoute la couleur de tes rêves, quand tu entends Till the end of the beginning, jusqu'à la fin du début. Il y en a un qui a dû se creuser la tête, c'est George Martin, quand il a dû se dire, bon, ça c'est les paroles de John Lennon, d'accord, mais on va mettre ça comment en musique, ça, parce que là, autant quand Paul McCartney allait en studio, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, autant quand John Lennon allait en studio avec une chanson, c'était, bon tu vois, alors là je voudrais par exemple que ma voix sonne comme si elle était en haut de l'Himalaya, et puis qu'il y avait 1000 nonnes qui étaient, les nonnes peut-être d'ailleurs si ça se trouve, qui étaient en train de chanter avec moi, un truc comme ça. Et ben voilà, c'est comme dit Pascal sur internet, enfin non, en fait sur un message privé sur mon téléphone, Christophe te fait dire que là il nous manque plus qu'un petit pétard avec ce que tu nous passes. Eh ben oui, oui, mais ça, il faut pas le faire, c'est pas bien. J'ai extrait de l'album de la semaine, et c'est le dernier extrait de l'album de la semaine, c'est Ringorama en 2003. Et l'album, la chanson, c'est English Garden sur RIG. I want you to see all of the flowers. We'll shoot the breeze for hours and hours. Buttercups grow high as the towers. What do I see? I beg your pardon. En Angleterre, il pleut, ça arrive. Et je vous fais un petit cadeau. Voilà, je savais que ça allait arriver. Le morceau en plus, le morceau caché de l'album. I really love her. Dans ce morceau, Ringo Starr joue de tous les instruments et fait également lead singer, bien sûr, et les chœurs. Il fait tout seul, monsieur Ringo Starr. Alors quand on dit Ringo Starr, oui, il n'a pas fait grand-chose après. Ben non, il a fait de bonnes chansons comme ça, par exemple. Je vous avais parlé déjà dans certaines sagas que du Lost Weekend de John Lennon. Entre 73 et 75, Yoko Ono lui dit « Allez, va vivre ta vie ». Et puis d'ailleurs, elle lui met dans les bras Mépeng pour qu'il ne s'ennuie pas trop. Un peu de chance quand même, il aurait dû rester avec Mépeng, mais enfin ça c'est mon avis. Et en 74, pour l'album Walls and Bridges, John Lennon invite Elton John à écouter son album. Et puis à ce moment-là, Elton John cartonne dans les charts. Et John, qui n'était plus vraiment sûr de lui, lui dit « Il y a une chanson qui te plaît ?» Et Elton John dit « Oui, whatever gets you through the night, je vais t'aider et tu vas voir, ça va devenir un numéro 1 ». Et il a co-chanté, Elton John est au piano, et il avait dit « Attention, si ça devient un numéro 1, tu viens dans un de mes concerts et on chante ensemble ». Il a tenu parole, puisque c'est devenu un numéro 1. Et John Lennon et Elton John ont chanté 3 ou 4 chansons, dont une qui va vous rappeler quelque chose, et ça n'était pas à l'origine John Lennon qui chantait. Il la présente en disant « Je vais chanter une chanson d'une vieille fiancée à moi ». Et c'est « I Saw Her Standing There » en 1976 sur l'album « Here and There » de Elton John, qu'on retrouve Elton, John et John Lennon en live, s'il vous plaît. « I Saw Her Standing There » sur RIG. Bye. disappear. I've seen that road before. Les Beatles, on parle de Apple. Je serais tenté de dire la pomme de Discord entre Paul McCartney, les Beatles et Phil Spector, c'est ça. C'est The Long and Winding Road, entre autres, bien entendu. Le projet Get Back, ce qui était censé être le dernier enregistrement des Beatles, juste après en tout cas l'album blanc, dans lequel il y avait beaucoup de réenregistrements. Le projet Get Back, c'était on revient à ce que nous quatre, on sait faire juste à quatre. On réenregistre rien, on rajoute rien. Et puisqu'il y a eu mésentente, et puisque le projet Get Back est devenu Let It Be et sorti après l'album Abbey Road, enregistré un petit peu plus tard, eh bien, Phil Spector, lui, a cru bon de rajouter un tas de violons et surtout des chœurs féminins, ce qui ne se faisait pas avec les Beatles. Et là, McCartney, non, c'est trop, j'en peux plus, je me casse, j'en ai marre, vous me cassez les pieds. J'extrapole, hein, je pense que c'était à peu près ça. Mais quelle belle version. Il se vengera donc en 2003, Paul McCartney, en sortant l'album Let It Be Naked, avec l'accord des ayants droit d'Harrison et de John Lennon, bien entendu. Et Ringo Starr qui lui, bien entendu, dit « Oui, bien sûr, je suis comme tu veux. » Les deux dernières chansons, peut-être, on ne sait jamais si vous êtes sage. Voici une face A et une face B. The Ballad of John and Yoko, en 69. Et l'autre côté, la face B, Old Brown Shoe sur RG. À noter que là, ils sont deux Beatles, John et Paul, seuls dans le studio. The way things are going, they're gonna crucify me. sur RIG, quand on aime, on double. Double Beatles sur RIG. Les remerciements que je donne à Eric, un petit supplément parce que c'est comme dans la publicité d'avant, vous savez, vous pouvez m'en donner un petit peu plus s'il vous plaît monsieur. What did you do when you missed the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something. I'm getting closer to you. salamander. Don't try to tell me. Oh no, don't answer. Oh no. I'm getting closer. Le dit si bien Paul McCartney lors de ses concerts et qu'il passe Hey Jude, il dit I can't stop this, I can't stop this. Maintenant, we're open tonight for fun. We're open tonight for fun. So bring all your friends, come on. J'aurais pu continuer, mais il est temps de rendre l'antenne. Il est 22h passé 11 minutes. Mais il faut que je rentre à la maison. Personne ne m'attend, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute des programmes de RIG. Je vous souhaite une très bonne semaine dans tous les cas. N'oubliez pas que dans pas longtemps, pour les amoureux, c'est le 14 février. J'aurai une pensée pour quelqu'un qui est très très loin, mais qui un jour, j'espère. Allez, grosse bise les filles, pas une mon garçon. C'était Thierry Gallet pour la 200, je sais plus combienième saga des Fab Four, la 244e. J'ai rien fumé, j'ai rien bu, je vous assure. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Salut. Yeah.